Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ensemble à étudier le chapitre 14 de l'Évangile de Marc. Notre bon Père du ciel, dans ce chapitre, on a vu jusqu'à date l'infinie distance entre le cœur des hommes et le cœur de Jésus. Les intentions mauvaises des hommes, mais l'amour de Jésus pour son Père et pour le peuple de Dieu. Nous avons vu que les gens avaient des intentions mauvaises, mais Jésus, lui, accepte cette mort pour que la nouvelle alliance prenne place. Une alliance éternelle. Une alliance éternelle, signée du sang de Jésus. Et Seigneur, on va voir que, malgré tout ça, les gens qui ne comprennent pas ce que tu as fait, ou qui n'acceptent pas ce que tu as fait, sont scandalisés par ce genre de mort que tu as subie. Donc, on te demande, Seigneur, que nous, on comprenne bien cette mort, sa raison, et que non pas qu'on soit scandalisé, mais qu'on soit édifié, encouragé, exalté, poussé à l'adoration et à la louange. Au nom de Jésus, amen. Nous avons vu dans les deux premiers jours de la semaine qu'il y a eu une entente entre les chefs religieux et Judas pour livrer Jésus à la mort. Donc, une entente hypocrite, sournoise, rusée, et nous allons voir dans les versets qui s'en viennent, comment ça va se faire et tout cela, et qu'est-ce que ça va produire. Mais surtout, aujourd'hui, nous allons voir que Jésus, par sa mort, a scandalisé bien des gens. Mais surtout dans notre texte, le texte va nous parler du scandale que cela a causé parmi les disciples. Nous allons commencer à lire à partir du verset 26 et nous allons lire jusqu'au verset 31 pour commencer. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. » Et Jésus lui dit, « Je te l'ai dit en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Bien, Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas, et tous dirent la même chose. Ici, Jésus annonce que sa mort, le genre de mort qu'il va subir, va scandaliser tous ses disciples et bien du monde par après. Mais ici, notre texte, c'est les disciples. Il dit, vous allez être scandalisés. Il dit au verset 27, pourquoi vous allez être scandalisés? Parce qu'il est écrit, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. La cause du scandale vient de Dieu. Je frapperai le berger. Ce n'est pas les Romains qui vont frapper le berger. Ce n'est pas les Juifs qui vont frapper le berger. Ce n'est pas Judas qui frappe le berger. C'est « Je frapperai le berger ». C'est Dieu qui va frapper le berger. C'est Dieu qui va emmener Jésus à la mort. C'est lui qui l'a envoyé à la mort. C'est lui qui l'a envoyé mourir. Donc, la prophétie disait « Je frapperai le berger ». Et les brebis seront dispersées. Et ça, Jésus applique ça au fait qu'ils vont être scandalisés et qu'ils vont tous s'en aller. Donc, le scandale est provoqué par le plan de Dieu, par la prophétie de Dieu. Parce que les disciples et les gens alentours n'acceptent pas le plan de Dieu, n'acceptent pas les prophéties que Dieu a faites. Il est écrit que je devais mourir. On a vu ça hier. Il est écrit que le berger va être frappé et que ses disciples vont être scandalisés. Il dit, à cause de la mort, parce que d'abord, il ne voulait pas qu'il meure. On va voir même un peu plus bas que Pierre va sortir son épée. Un des disciples, en tout cas, je ne me souviens pas si on nomme ici, mais un des disciples va sortir son épée pour empêcher les soldats de prendre Jésus. Il n'accepte pas qu'il meure. Pierre l'avait dit à Jésus, je ne veux pas que tu meures. À Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Jésus avait répondu, tu n'as que des pensées humaines. Tu ne vois pas les choses comme Dieu. Dieu, lui, dans son plan, il frappait le berger. Et à cause qu'il frappe le berger, que le berger va mourir de façon ignoble sur la croix, dans la souffrance atroce, les disciples vont être scandalisés. Il leur dit, vous serez tous scandalisés. Mais après, je vais ressusciter. Je vous précéderai en Galilée. Qu'est-ce que Pierre fait? Je ne te renierai pas. Moi, je ne serai pas scandalisé. Même s'il faudrait que je meure, je ne serai pas scandalisé. Je ne vais pas te renier, je ne vais pas t'abandonner. Et Jésus dit, Pierre, avant que la nuit soit terminée, avant que le coq ait chanté deux fois, tu vas m'avoir renié trois fois. Et Pierre dit, non, Seigneur, jamais je ferai ça. Et tous dire la même chose. Donc, lui, il dit, vous allez tous être scandalisés, vous allez tous m'abandonner, vous allez tous être dispersés. Il ne le croit pas, il refuse cela, il rejette cela, et ils disent, non, on ne t'abandonnera pas. Jésus, pourtant, a dit la vérité. Hein? Il a dit la vérité. Il les avertit. Pourquoi est-ce qu'ils vont être si scandalisés? C'est parce qu'ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas ce genre de mort, ce genre de royaume que Jésus parle qu'il va établir. Ils n'acceptent pas encore. Ils ne comprennent pas. Verset 32. On va continuer à lire. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici éveillés. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormi, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller une heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint, et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois, et il leur dit, « Dormez maintenant, et reposez-vous, c'est assez. » L'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons. Voici celui qui me livre s'approche. Donc, Jésus, ici, sait que ça s'en vient. Donc, il se retire dans le jardin de Gethsémané. Et là, il invite ses disciples à s'arrêter. Il dit à ses disciples, au verset 32, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Et là, il emmène Pierre, Jean et Jacques avec lui, puis il leur dit de veiller et de prier. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. et prier. Mais eux autres, ils dorment. Et Jésus, lui, se met à prier. Il prie. Il prie d'accepter la volonté de Dieu. Il sait, lui, qu'est-ce qui s'en vient. Il sait qu'est-ce qui va arriver. Et dans son être, dans son corps, toute son humanité, si je pourrais dire ainsi, il aimerait éviter ce qui s'en vient, la mort et la souffrance. Dans son être spirituel, il aimerait éviter que la colère de Dieu tombe sur lui. Il aimerait éviter d'être séparé de Dieu. Il aimerait éviter de servir de sang pour l'Alliance. Mais il prie, « Seigneur, que ta volonté se fasse et non la mienne. » Et le texte nous dit qu'à trois reprises, il retourne vers les disciples et les disciples sont endormis. Ils ne prient pas. Et Jésus les exhorte pourtant, « Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » Votre esprit est bien disposé. Vous avez dit que vous n'allez pas me renier. Vous n'allez pas être scandalisé. Mais la chair est faible. Vous êtes mieux de prier. Vous êtes mieux de prier. À son exemple, à lui. Et entre eux et Jésus, la différence, je crois dans notre texte ici, c'est qu'eux n'ont pas prié. Ils vont être scandalisés. Et Jésus a prié. Il ne sera pas scandalisé. Ils vont accepter pleinement, librement, de faire la volonté de son Père. Fais ce que tu veux. J'accepte que mon corps et mon sang servent à la nouvelle alliance. Donc, il n'a pas été scandalisé par la mort qu'il devait subir pour que l'alliance soit signée. Nous allons prendre le temps de finir notre texte parce que ça va tout ensemble. Verset 43. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des douze, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui que je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le et amenez-le sûrement. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, « Rabbi, et lui donna un baiser. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'était afin que les Écritures soient accomplies. » Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap, et on se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Ici, on voit s'arriver ce que Jésus avait dit. Tous l'ont abandonné. Tous l'ont abandonné. Jésus arrive avec sa cohorte, avec ses soldats qui ont des épées et des gourdins, ils s'en viennent le prendre. Et ils livrent Jésus par un baiser. Donc, ils l'identifient, afin qu'il n'y ait pas d'erreur. On est en pleine nuit. On n'a pas toutes nos lampes de tête ou nos lampes de poche. On a du feu, mais pour pas qu'il y ait d'erreur possible, qu'on ne saisisse pas la bonne personne, Judas avait dit, je veux l'embrasser et c'est lui, prenez-le. Et ils le prennent. Et ils l'emmènent pour être livré devant les sacrificateurs et devant les scribes. Un de ceux qui est là, on sait par ailleurs que c'est Pierre, prend son épée et coupe l'oreille du serviteur. Parce qu'il ne veut pas que ça l'arrive. Il ne veut pas que ça se passe ainsi. Jésus dit, ça fait 3 ans que je suis parmi vous autres. Ça fait 3 ans que vous vouliez, mais vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? C'est afin que les Écritures soient accomplies. Donc, il dit, si je n'ai pas été pris avant, et si ce soir je me laisse prendre de cette façon-là par vous, et que vous allez me mettre en croix demain, c'est parce que les Écritures le disaient comme cela. Les Écritures le disaient comme cela. Et ça va s'accomplir selon les Écritures, selon la volonté de mon Père. C'était écrit qu'il frapperait le berger. C'était écrit que tous les disciples fuiraient. C'était écrit. Ils sont tous partis. Puis ils ont tous abandonné le Seigneur Jésus. Même le verset 51-52, ça nous montre l'extrême du désir de partir. Ce jeune homme-là, ici, il est enrobé d'un... Parce qu'il était là, probablement, soit qu'il avait suivi des gens, soit qu'il était parmi les disciples de Jésus. Et il veut tellement pas être pris avec Jésus et être emmené avec Jésus, qu'il est prêt à partir tout nu et courir. C'est pour montrer, je crois, à tel point il voulait s'en aller. Il voulait pas rester là et être emmené avec Jésus. Tout le monde était scandalisé. Tout le monde est parti. Tous ceux qui étaient avec lui, ils l'ont abandonné. Pourquoi est-ce que Jésus a accepté? Pourquoi il était capable de passer au travers? Parce qu'il croyait aux Écritures. Et il priait que la volonté de Dieu se fasse et non la sienne. Pourquoi les disciples n'ont pas accepté? Pourquoi ils ont été scandalisés? Ils ne connaissaient pas les Écritures. Et ils n'ont pas prié. Et ils ne cherchaient pas l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais ils avaient donc voulu accomplir leurs propres rêves et desseins. Jésus est mort, non pas parce que les méchants sont méchants, mais c'est parce que c'était la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu qui meurt ainsi, de cette façon-là, livré par un de ses disciples, trahi par son peuple. Il va être livré aux païens par son peuple. Il va mourir d'une mort atroce sur la croix, comme c'était prévu et quand c'était prévu. C'était prévu qu'il meure. Le jour de Pâques, 3 heures, c'était là. Mais Jésus savait aussi autre chose, que dans notre texte, c'est écrit. Il dit, je vais ressusciter, moi. Je sais que je vais ressusciter. J'accepte la mort. Ça va être dur physiquement et spirituellement, ça va être très dur. Mais j'accepte la mort. J'accepte la volonté de mon Père. Mais je sais aussi que je vais ressusciter d'entre les morts. Quand on accepte le plan de Dieu, quand on accepte les Écritures de Dieu, on n'est pas scandalisé. Mais on est rempli d'adoration et de louange pour Dieu et pour Jésus-Christ. Notre bon Père du ciel, pendant longtemps, nous avons été aussi scandalisés. Mais dans ta grâce, par ton Esprit Saint, tu nous as amenés à croire aux Écritures et à comprendre que ça devait se passer comme ça. C'était ton plan que ça se passe demain. C'était ta volonté que ça arrive comme ça pour Jésus. Et que cette mort était pour débuter une nouvelle alliance et le royaume de Dieu. Ô Seigneur, que notre cœur se soumette toujours à ton plan et qu'on puisse prier, Seigneur, pour accepter ta volonté dans nos vies, comme ta volonté dans la vie de Jésus. Amen.